bande matinale sur Africa numéro 1. Et on retrouve Yves Ekwe à Maïso. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser ce matin. On parlera de l'UNESCO. On va parler de l'UNESCO. Alors, est-ce qu'il fallait refuser de reconnaître l'État palestinien à l'UNESCO en s'abstenant? Quels sont les pays qui ont voté abstention à l'UNESCO? Et troisième question, est-ce que l'UNESCO est indépendant, Yves Ekwe à Maïso? Ça fait beaucoup de questions, mais on va essayer d'y répondre. Oui. Alors d'abord, qu'on soit clair, l'abstention ne veut pas dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Il faut bien comprendre que les relations que j'appelle ici les manifestations de puissance politique, de puissance économique, de puissance militaire, des pays dits riches, constituent une nouvelle étape dans le nouvel ordre mondial de hiérarchisation des pays. J'insiste sur le mot hiérarchisation des pays. En réalité, il faut parler d'alignement des pays les uns sur les autres. Un système d'interdépendance, et là il n'y a rien à dire, mais qui oblige à se positionner dans un réseau de dépendance. Donc, interdépendance pourrait sembler un peu neutre, mais en fait, en réalité, quand vous vous positionnez, vous devenez dépendant. Rappelons la liste des pays qui ont voté abstention à l'UNESCO pour soutenir l'intégration de l'État palestinien comme un membre à part entière dans cette institution spécialisée et indépendante des Nations Unies. Précisons d'abord que voter contre la reconnaissance de la Palestine à l'UNESCO signifierait, pour les pays pauvres, africains en particulier, de s'exposer. La seule manière de ne blesser personne est de continuer à profiter des soutiens directs ou indirects des pays riches qui disent non à la reconnaissance de la Palestine, c'est de voter comment ? Abstention. Nous y voilà. Alors, qui est dans cette liste ? Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Libéria, Ouganda, Rwanda, Togo et Zambie. Tous des peureux ? Pas vraiment. En réalité, ces pays ont en commun d'assurer une partie de leur sécurité rapprochée jusqu'au niveau des gardes présidentielles avec Israël, sans compter les aides économiques. Ces neutralistes, puisque c'est le nom qu'on aime bien leur donner, se cachent derrière l'obligation de réserve au lieu d'expliquer qu'ils sont tous, directement ou indirectement, tributaires du soutien des pays qui ne veulent pas entendre parler d'un État palestinien. Pour le moment, Israël, les États-Unis, le Canada, la Colombie. Alors, vous parliez de ce nouvel ordre mondial de la hiérarchisation des pays, depuis le vote pour ou contre de la Palestine à l'UNESCO, Yves Ekwe à Maïso. Si la réponse est oui, comment ne pas subir une sanction directe ou indirecte des pays riches? La réponse est oui. Le chantage, on va en discuter. Prenons le cas de la France, qui a voté en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO. Mais la même France annonce qu'elle va s'abstenir, donc abstention. Ou ça, au Conseil de sécurité. Une façon de rappeler l'indépendance de l'UNESCO. Donc vous voyez quelque chose de très intéressant. Quand vous vous abstenez dans une structure, vous pouvez montrer que l'UNESCO a bien eu raison, en tant qu'institution indépendante, de demander que des gens viennent voter et choisissent ou pas que un pays nouveau, la Palestine, soit membre de cette organisation. Le Rwanda s'est risqué à une explication. Rappelons que Rwanda est sur la liste de ceux qui se sont abstenus. Un vote à l'UNESCO, alors que le Conseil de sécurité n'en veut pas, risque de geler le statu quo. C'est ce que pense le Rwanda. Mais le Rwanda oublie que l'UNESCO est indépendant. Donc il ne faut pas mélanger les deux, il faut bien les séparer. En attendant, cette indépendance a coûté très cher à l'UNESCO elle-même comme organisation. Résultat des courses, plus de 25% du budget a été gelé, en fait supprimé, en guise de sanctions déguisées, avec l'arrêt immédiat des programmes engagés dans les pays, notamment ceux qui ont osé défier le groupe qui a voté contre l'entrée de l'État palestinien à l'UNESCO. L'autorité palestinienne a d'ailleurs bien compris cela, que ce vote symbolique devient contre-productif s'il fallait le renouveler auprès des autres agences spécialisées des Nations Unies. Vous imaginez l'arrêt de 25% du budget de l'OMS. L'OMS est l'Organisation Mondiale de la Santé. 25% des activités vaccins et j'en passe et des meilleurs sur le sida vont s'arrêter. Non, les dirigeants de cette agence-là, l'UNESCO, comme de l'OMS, mais comme d'autres, ne veulent même pas mettre à l'ordre du jour un tel dossier. Donc le droit à la démocratie pour un État coûte 25% au moins du budget des agences spécialisées des Nations Unies. Ce n'est pas demain que la Palestine sera sur la liste des 936 biens constituant le patrimoine culturel et naturel ayant, d'après l'UNESCO, une valeur universelle exceptionnelle, parce que c'est à l'UNESCO qu'on décide de cela. Oui. Rappelons tout de même que la ville de Jérusalem y est sur cette liste des 936 biens, mais ce n'est ni Israël, ni la Palestine qui l'ont proposé, mais paradoxalement, la Jordanie. Merci Yves-Écoué Amaïzo. On retrouve vos chroniques afrocentriques sur le site de la radio africaine www.africa1.com.